Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de notre podcast Fleur au vent. Je suis Émilie et j'ai le plaisir d'en m'entretenir chaque mois avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wingood. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Émilie. Tu es directrice Wingood, maman de 2 enfants. Dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Janvier, nous y sommes, la fameuse page blanche, un faux air de renouveau qui, sans action majeure de notre part, sera sans grande surprise la suite logique des graines que nous avons semées les mois précédents. Janvier, comme un coup de pied aux fesses, nous interpelle. Quelle histoire allons-nous écrire? Et si l'on cherche son sujet, c'est peut-être bien que nous avons déjà perdu le fil. Non, janvier ne fera pas de miracle. Nous sommes notre propre miracle. Nous sommes toujours à une décision d'une vie différente. Mais parfois, par flemme, souvent par habitude, engagement et responsabilité, nous perdons l'inspiration et la curiosité qui nous poussent à nous réinventer, à tenter le coup de poker et nous perdons en chemin le mojo qui nous fait embrayer. Quand avons-nous pris le temps de nous demander qui nous sommes devenus? Quand avons-nous pris un risque pour la dernière fois? Quel que soit le résultat, nous avons fait de notre mieux. Mais et maintenant? On se sait forte et persévérante? Oui, mais pourquoi? Pour aller où? Plaçons-nous nos ressources et notre énergie au bon endroit? Avec le mojo, tout est plus facile. Aucune question ne se pose. Il suffit de suivre son instinct. Mais si celui-ci nous fait défaut, alors c'est qu'il est temps de se recentrer, se poser les bonnes questions, prendre le temps d'engager des conversations avec soi, avec les autres pour puiser l'inspiration, de contempler des œuvres d'art qui ressuscitent nos émotions, de lire des biographies, suivre des projets ou des parcours inspirants, s'entraîner à contempler en dehors comme en dedans et voir ce qui résonne aujourd'hui en nous pour se redécouvrir. Un travail d'introspection, certes, et peut-être quelques pistes à explorer pour sortir des sentiers battus, tenter de nouvelles expériences, offrir de nouvelles habitudes, de nouveaux sourires. Un plan d'action pour faire bouger nos lignes, réveiller nos émotions, attiser la flamme, faire place à une nouvelle vie, si on le souhaite, ou à une nouvelle façon de la voir et de la vivre. Ressentir les vibrations, l'énergie, les odeurs, des signes qui nous poussent à tenter notre chance et suivre notre plus joli chemin de vie. La liberté commence où notre zone de confort se termine. Alors, en janvier, après avoir abordé les rêves et la créativité, je te propose, Anne-Fleur, de mettre à jour nos recettes pour rendre extraordinaire une journée ordinaire, d'innover par petites touches, faire preuve de fantaisie, d'audace et de réveiller l'intuition, le mojo qui sommeille en chacun de nous. Mais avant cela, je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, l'interview de l'instant présent dans laquelle, Anne-Fleur, tu nous partages ton état du moment à travers un petit portrait chinois. Fleur au mois de janvier, bilan et ambition. Le Phil Wingwood consacre à l'article 6 étapes pour le changement. Plaisir d'offrir, joie de recevoir ton partage d'expérience, tes tips sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleur dans l'air du temps, intitulé pour l'occasion Patchwork. Je te propose de démarrer tout de suite par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin, la première pensée en 1 ou 2 mots. Allez, c'est reparti. Ok, c'est reparti. Alors, pour ça, il faut suivre ta forme mentale. En chanson, dans la douche ce matin, c'était plutôt La flemme de Angèle, I Will Survive de Gloria Gaynor ou Don't Stop Me Now de Queen. C'était pas la flemme, le matin, c'est pas la flemme pour moi. On va dire I Will Survive de Gloria Gaynor. Ok, donc il va falloir un peu se battre, un peu aller chercher, quoi. C'est ouais, ça ouais. Ok, ce qui entraîne la question suivante, la forme physique, si tu étais une auto, plutôt une deux-deux, un peu brinque-ballant qu'au réveil, mais c'est du solide, tu vas tenir la route jusqu'à destination. Un scénique, une allure de croisière qui te convient parfaitement en compagnie de ta team rapprochée pour te sentir en sécurité. Ou bien une Formule 1, un démarrage entre ombres jusqu'à la ligne d'arrivée avec une confiance à toute épreuve pour négocier chaque virage et éviter les sorties de piste. T'as pas fini d'être une voiture, c'est pas bien d'être une voiture. Mon fils m'a expliqué ce week-end que ça servait à rien les voitures. Je pense que ce serait plus la deux-deux. Alors c'est pas, c'est ce qui me parle le plus là. C'est pas confort croisière, c'est pas la scénique, c'est pas la Formule 1 parce que le démarrage n'est pas en trombe, même si derrière. Ça va vite quand même. Ouais. Ouais, ce serait un mix de ces trois-là. Allez. Ok. Donc, entre peut-être une trottinette, un Vélib et un VTT. Quelque chose comme ça. C'est ça. Ok. Ton humeur, si tu étais une œuvre d'art. Le cri de Edvard Munch, plutôt angoissé. La joie de vivre de Pablo Picasso, jovial. ou La Joconde et son sourire énigmatique de Léonard de Vinci, plutôt mystérieuse. Ouais, je pense la joie. Je démarre l'année avec plein de confiance, donc plutôt la joie. Ok, donc un petit réveil moyen, mais on garde le cap sur la joie. Un stress, une difficulté à mentionner ? Écoute, comme tu dis, janvier, c'est une nouvelle année, c'est autant de promesses, d'opportunités pour écrire une nouvelle page, mais c'est aussi un peu de la pression parce que t'as plus l'excuse d'une mauvaise année en cours qui finira par se terminer. Là, voilà, ça y est, ça a redémarré. Donc maintenant, si on veut. On veut un renouveau, on veut un redémarrage, il tient qu'à nous et donc c'est une charge. Donc t'as un peu cette pression de, tu vois, j'ai eu vraiment un soulagement à l'idée que 2022 se termine. J'en ai même versé une larme, tu vois, à minuit. Et, c'était pas une question d'alcool. Non, les tensions peut-être. Comment? Des tensions et tu te dis ah, c'est bon, on va passer. J'étais contente. Je trouvais beaucoup d'espoir à changer de tome, on va dire. Oui. Et en même temps, tu as une espèce de stress de est-ce que je vais réussir à franchir un cap et à se dire voilà, faut y aller un peu par marche, par palier, tout en s'ancrant dans le, je dis pas au revoir aux années précédentes qui nous ont nourris, qui nous ont fait avancer, mais voilà, c'est un peu la pression d'être ce nous neuf sans faire des fausses nouvelles résolutions ou des fausses espoirs voilà, donc c'est un petit peu l'état d'esprit de ce mois de janvier, à la fois beaucoup d'espoir, d'envie et en même temps un petit peu le stress de qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit différent, mieux, meilleur, etc. Ouais. La proaction, c'est ça, et jusqu'au bout, et déjà anticiper le fin 2023 pour essayer de ton rétro-planning avec la technique des petits pas, ce qu'on appelle pour y aller petit à petit. Dès le premier jour, c'est ça. Dès le premier jour. Il ne faut pas être à 10%, quoi. Il faut tout de suite être exactement. À 100%. Alors, la gratitude et la mémoire du cœur, tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude ? Je te dirais, le week-end s'est correctement passé. Les deux premières semaines, j'ai survécu. I will survive. On y est encore. Ouais. Beaucoup, beaucoup de choses. C'est déjà pas mal. Et puis, la dodoche, ça marcherait pas. Hein, parce que un démarrage plutôt au quart de tour. Je sais pas si c'est de la gratitude, mais je continue d'essayer d'affronter chaque caillou que j'ai dans la chaussure, chaque frustration ou chaque culpabilité en la regardant dans le miroir, en l'adressant et en avançant, quoi, en laissant pas des choses traîner qui freinent. Ouais. Voilà. Ouais, c'est important, t'as raison. Enfin, toutes les petites, parce qu'il y en a forcément sur le chemin, mais de les traiter et ouais, un par un. De les mettre de côté. Pleurs en janvier, le bilan rapide de 2022, calmement. Qu'as-tu trouvé en 2022 et que tu souhaites conserver en 2023 ? En 2022, j'ai été plusieurs fois quittée, on va dire. Ouais. Ça a été un gros apprentissage d'accepter d'être quittée. Ça me permet de rappeler pour ceux qui prennent peut-être son 9e épisode pour la première fois, mais effectivement, on en parlait, je crois que c'était dans le podcast précédent de la vie professionnelle, entre autres, et jalonné parfois de départ, donc pour de bonnes raisons, hein, très souvent, mais voilà, c'est pas évident, effectivement, quand on fait partie d'une équipe, de se séparer de ses collaborateurs. Je ferme la parenthèse. Oui, tout à fait. Donc, j'espère que je ne suis pas trop redite par rapport au précédent, mais le fait de se remettre en question tout en faisant pas non plus de suppositions ou d'affaires personnelles, comme nous disent les accords Toltec, et puis d'accepter un peu la vie. Et puis, beaucoup de cheminement par rapport à ça, par rapport aux ruptures qu'on a, enfin, qu'on connaît, on va dire, dans le cadre sentimental et qu'on connaît moins dans le cadre amical ou professionnel et amical. Et un peu ce besoin de l'être humain au moment de la rupture, au moment de la fin, de se donner des bonnes raisons de finir, on va dire, qui, du coup, entache un petit peu, je trouve, le chemin parcouru et la belle histoire. Donc, je comprends le besoin de chacun d'ancrer cette fin et de lui donner des justifications, mais je regrette que ça passe un petit peu par un peu de voilà, ça ternit un petit peu le chemin et l'histoire parcourue. Donc, l'équilibre à trouver, voilà, dans accepter la rupture sans remettre en question l'histoire, ouais. Et en se nourrissant du tout. Voilà. Donc, c'est si, enfin, 2022, pour moi, c'était ça. Ok. Conserver la belle histoire, alors. Et au contraire, que souhaites-tu laisser, ne plus voir en 2023 ? Ce qui s'est passé en 2022 reste en 2022. Ça peut être un événement, une émotion, une musique, une mode. Écoute, j'ai pas vraiment, j'ai même pas repéré les modes de 2022. Je te dirais. J'avoue, c'est un peu un méli-mélo. Je te dirais, je laisserais bien derrière nous la guerre, les dictatures, les extrêmes, la folie de notre monde. Mais ça, je crains que. Une utopie. Tout de suite. Je dirais bien que je laisserais. Je laisserais bien mes sorties de route, mes pertes de patience en particulier en 2022, mais ça c'est pareil, c'est pas évident, j'y travaille. Je sais pas, je laisserais bien le Covid qui me pose surtout souci par rapport à la, disons, à la peur de l'autre qui l'encourage à sa manière. Donc voilà, c'est ça que je laisserais bien en 2022, mais bon. Je dirais c'est un espoir vain, peut-être. Écoute, on va croiser les doigts. Alors, en janvier, quelle est ton ambition ou tes ambitions ? Est-ce que tu as un fil rouge pour ce mois de janvier ? Comme je t'en ai déjà parlé, mais à chaque reprise, j'ai cette habitude de redéfinir mes routines pour qu'elles soient adaptées aux enjeux du moment, que ce soit pro ou perso, pour que ça soit mieux, plus adapté que sur la période précédente. Donc janvier, c'est en ça déjà un redémarrage. Et puis après, comme je te disais, si on veut que l'année soit bonne, il faut commencer dès le premier jour de l'année, puisque après, sinon, c'est une dette à rattraper que ouais. Chaque jour, on n'aura pas été meilleur. Donc après, c'est un travail que j'ai largement initié, je t'en avais parlé en fin d'année, mais mon ambition sur le mois de janvier, c'est qu'ils prennent tout de suite la couleur de ce que doit être 2023, pro-perso, et qu'à chaque jour, à chaque pas, on s'en donne les moyens pour que cette année soit meilleure et surtout qu'elle soit bonne. Ok, donc évidemment, on le sent très bien. Dans Flower Power, quels sont pour toi les meilleurs outils en ta possession pour atteindre cet objectif et ceux que tu penses qui te manquent ? Si on devait sur le manque, on dirait assez simplement, il manque la banque du temps. Il manque toujours derrière, hein, mais. Mon principal outil, c'est justement de savoir que la banque du temps n'existe pas, que les journées sont pas extensibles et quoi que tu fasses, il y a une logique de camembert. Il faut dormir, il faut se ressourcer, il faut. Donc comment on est dans cette dynamique de dépassement de soi sous contrainte, le camembert du temps, et prendre la donnée un peu dans l'autre sens. Ce qui est mon outil, moi, c'est de me dire, sachant tout ce que je veux faire, comment je m'organise. C'est pas. Alors, je me sens, dit comme ça, ma vie paraît très calme et très simple, hein, je me sens en course continue, je me sens en permanence coupable de ce que je n'ai pas fait. Il y a des périodes où c'est encore pire que d'autres. En ce moment, on est plutôt dans une période encore pire qu'une autre. Mais j'essaie de, comme je dis, de le prendre à l'envers, quoi. De me dire, j'ai ce temps-là, j'en ai pas plus de toute façon. Donc, comment je le prends, comment je m'organise pour faire au mieux un petit peu de tout, et puis faire en sorte que chacune des personnes dans l'entreprise avance, chacun de mes enfants soit nourri, chacun des sujets importants soit résolu, et puis comme je te dis, je fuis pas, j'essaye de ne pas fuir toutes les petites difficultés que j'ai, tous ces cailloux dans la chaussure, je les prends un par un en me disant en fait si je les affronte, ça sera moins long, moins douloureux et pour le mieux. Et en fait, voilà, c'est les deux outils que j'ai, c'est admettre le camembert du temps et raisonner sous cette contrainte. Et puis, écouter le caillou qui me gratte le plus, le prendre, le résoudre et prendre le suivant. Et on passe à autre chose. Très bien, merci Anne-Fleur. Place à la rubrique du Feel Wing Good, intitulée aujourd'hui « Le changement en 6 étapes », article rédigé par Camille, à retrouver sur le site. Donc, parmi ces points-là, Camille évoque le fait de changer de décor. On en parlait justement tout à l'heure, Anne-Fleur. Tu disais, pour chaque début, tu recrées d'autres routines, un autre environnement. Donc, on parle effectivement de changer ses habitudes, de bouleverser, sortir sa zone de confort. Autrement dit, aller voir plus loin si nous y sommes. Y a-t-il des changements d'habitudes que tu as initiés volontairement et qui t'ont apporté des surprises, chances, opportunités inespérées? Si oui, peux-tu nous raconter? Pour aller jusqu'au inespéré, je sais pas, mais oui, enfin, comme effectivement, comme tu le dis, c'est mon habitude de prendre des nouvelles habitudes et de changer des choses de manière assez significative pour avoir un impact potentiel assez fort dans mon quotidien. J'ai eu, si je dois. Le plus structurant des derniers temps, c'est lié au temps passé avec les enfants, de s'organiser pour être avec eux autant que possible et être vraiment avec eux. Alors, je te dis pas que je le fais bien, mais en tout cas, c'est une habitude que j'ai prise. L'intention est là. Ouais. Voilà, imposée par le Covid et les confinements, mais j'en suis très heureuse parce que je me rends bien compte au fil des années que ça durera qu'un temps et que cet effort qu'il faut faire de jongler. Plusieurs fois par jour entre le pro et le perso, c'est quelque chose si je le fais pas maintenant, dans 10 ans, on va dire c'est fini, ce sera d'autres problématiques, mais plus celle-là. J'ai pris un abonnement dans une salle de sport il y a 2 ans et j'y vais le matin avant le boulot. C'est assez ouf de constater l'élan que ça me donne pour la journée, l'énergie que ça donne pour la journée. Il y a plein de gens qui me disent, mais moi, je pourrais pas le matin. Et vraiment, j'encouragerais tous ces gens-là à essayer dans la durée parce qu'il faut le temps que ça fonctionne. Mais c'est épatant de voir cette hormone que ça libère et ce que ça donne. On est chimie, on est bio. Enfin, hein, cette énergie que ça donne pour la journée, c'est contre-intuitif par rapport à l'effort physique et la fatigue qu'on imagine. Mais c'est hallucinant ce que ça donne au-delà de la fierté. Tu vois, ma dernière résolution, c'était en septembre, c'était autour des déjeuners. Moi, j'ai des journées un peu speed et je prends à peine le temps de déjeuner. Et si je prends le temps de déjeuner, c'est en mode boulot, quoi, d'une manière ou d'une autre. Mais je sais pas couper, je sais pas me détendre, je sais pas faire une pause au départ. Et puis, je me suis autorisée plusieurs fois par semaine. Enfin, j'essaye une fois par semaine d'avoir un déjeuner à l'extérieur. Et ça fait grand, grand bien. Et c'est un effort, pareil, d'y aller, de l'organiser, d'allouer ce temps-là. C'est une bonne ressource. Donc, voilà. Déjeuner boulot ou tu arrives justement à t'imposer un décrochage? Non, on pourrait parler de la question pro perso. Moi, je ne peux pas couper. Ça ne signifie rien pour moi. Je peux pas couper. C'est comme si tu me disais couper des enfants. Tu vois, me détendre, ça n'existe jamais. Il y a des moments où j'ai moins la charge parce que j'ai pas la charge logistique. Je dois pas les surveiller. Mais c'est-à-dire, et gérer une entreprise, ça ne se coupe pas. Tu ne peux pas ne pas y penser. Tu ne peux pas ne pas y réfléchir. Dans toutes mes rencontres, il y a le travail d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a moi d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc c'est pas c'est pas comme aller se faire masser le midi. Non. Très bien. Dans les autres points évoqués par Camille, il y a le fait de se connaître, être lucide sur tous les aspects de sa personnalité, cultiver son ouverture d'esprit. On ne veut pas se métamorphoser, précise-t-elle, mais ni changer qui on est, mais comprendre qui on est. Donc, d'après nos échanges précédents, j'ai constaté que c'est une notion que tu travailles beaucoup chez toi, Anne-Fleur. En évoluant en permanence, il y a des phases plus importantes et plus impactantes que d'autres. Penses-tu aujourd'hui te connaître par cœur ? L'équation est-elle résolue ? Le théorème est béton ? Ou as-tu vu apparaître dernièrement des zones nouvelles, encore inconnues ? Ou peut-être le pressens-tu pour demain ? Si oui, comment abordes-tu cette question à une inconnue dans le pro et le perso ? Non, se connaître une fois et pour toutes, non, je ne crois pas. Heureusement, justement, on est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution et on évolue avec. Je pense qu'on est effectivement une équation initiale et puis on est une équation qui évolue beaucoup avec son environnement, avec l'expérience de la vie, avec ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir. Enfin, on n'a pas un état. Et puis il y a même pas vraiment de début ou de fin, ou en tout cas la fin, elle est à la fin justement. Donc non, je pense que j'ai trouvé des clés. Comme tu dis, c'est un processus que j'encourage, que j'anime, j'observe, j'écoute, j'accueille mes réactions, j'analyse, je tente de comprendre ce qu'elles disent de moi, je décortique, et puis je définis la suite. Donc oui, il y a cet apprentissage qui s'est fait avec un certain nombre de déclics, et je dirais ceux-là sont quand même des grosses lumières qui se sont mises et qui ont bien éclairé le squelette qui sera un peu le fil rouge de ce que je suis, de comment je suis. Après, c'est pas résolu une fois et pour toutes. Je ne peux pas prédire comment je réagirai à tout ce qui va m'arriver, tout ce que je vais faire. Et c'est aussi en ça que la vie est épatante. Donc, je pense que le chemin ne s'arrête pas, ça dure toute la vie, que c'est comme, tu es une sportive. Donc, quand on est dans le dépassement de soi et dans le cheminement entre les blessures qu'on peut avoir, entre les conditions météo qui peuvent être différentes, entre le corps qui évolue, chaque sommet qu'on va gravir, chaque course qu'on va faire, il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas passées pareil. C'est jamais la même course. Un apprentissage continu et heureusement, sinon on s'endort et ça peut pas le faire. Exactement, c'est là la plus grosse erreur finalement. Également, on parle de s'encourager. On n'amorce pas un changement sans être son propre support, peu importe ce qu'on a envie de faire évoluer chez nous. Pour cela, on doit vraiment être dans l'affirmation et l'amour de soi, dit Camille. Cultiver sa propre motivation en se donnant des récompenses qui font du bien à l'esprit et au corps. Quels sont les plaisirs que tu t'accordes? Tes plaisirs coupables, plus ou moins assumés, tes moments de réconfort où tu ne penses qu'à toi. Écoute, si tu y arrives. le premier cadeau ou le premier élément, c'est déjà de reconnaître, parce que effectivement il y a toute une partie, moi, je me suis beaucoup construite dans la reconnaissance de l'autre. Et en plein d'endroits, elle manque, cette reconnaissance, où elle n'est pas comme on en a besoin. Et puis après, c'est un peu comme une drogue. C'est-à-dire que plus on avance et plus on en aurait besoin. Et à la limite, plus on avance et moins on en aura, parce que disons que la reconnaissance est très codifiée à l'école ou à l'enfance. Elle est beaucoup moins codifiée plus tard. Et puis on est dans des rôles assez ingrats. Hein. Toujours de celui de mère, mais celui de responsable d'entreprise, c'est un peu pareil. Donc le premier effort que je fais, c'est cette reconnaissance. Et tu vois, hier, pendant ma course à pied, je me disais, c'est bien. Je me disais, c'est bien. Et je me le dis. C'est des affirmations positives, comme ça. Voilà. Ouais. Donc, J'ai décidé de travailler hier matin, on était dimanche, hein, mais en même temps, je m'impose de, comme tu as déjà dit, de, si je travaille, ouais, de précisément définir pourquoi je travaille, parce que sinon, ça, ça pourrait durer éternellement. Et c'est pareil, je me disais, là, c'est bien ce que tu as fait. Enfin, c'est, voilà, d'essayer de, déjà de m'encourager. Après, dans les plaisirs plus ou moins assumés, je mange du chocolat, je joue sur mon téléphone, je passe du temps complètement inutile à faire des choses complètement inutiles. Je fais de la cuisine, je prends un verre avec quelqu'un qui compte. Je passe un moment avec toi et je réponds à tes questions alors qu'il y a tant de mails qui arrivent. J'écris des articles pour Ingood. Il y a plein de façons, disons, de se faire du bien. Et après, je pense que le plaisir vient d'en challenger la culpabilité qu'on a dans ce moment. Parce que je pense que le plus dur, c'est pas tant, comme je disais tout à l'heure, le camembert du temps, il est clair. Il y a plein de moments dans la journée qu'on perd. Donc, si on veut se challenger sur le temps qu'on n'a pas, regardons le temps qu'on perd. Mais en fait, au milieu de tout ça, je pense que la plus grosse difficulté, c'est pour qu'il y ait un plaisir, pour qu'il y ait une satisfaction, une reconnaissance, c'est de s'accorder ces moments sans culpabilité et d'admettre que ça donner de la valeur, en fait, donner beaucoup plus de valeur à la à cultiver sa motivation, aux récompenses, à l'affirmation de soi. Je pense, enfin moi je dirais que c'est ça qui, en tout cas pour ce qui me concerne, qui est à challenger et qui manque, c'est tout ce que je ferais et que j'aurais tendance à me reprocher, c'est débile, en fait, c'est absurde. Et ça entache, ça enlève toute une partie, ça limite toute une partie du potentiel, de la potentielle ressource. Donc, c'est un peu absurde. C'est-à-dire que si je prends ce temps pour qu'il en ait la portée, pour qu'il en ait l'impact, il faut que je l'accepte et que je le fasse sans culpabilité. Ou alors, comme j'ai tout à l'heure, caillou dans la chaussure, ou alors je ne le fais pas. Mais ça a quelque chose d'absurde de à la fois le faire et à la fois ne pas s'autoriser le... c'est vraiment l'action consciente, en fait, dans tous les choix qu'on peut faire. Et alors, c'est compliqué toujours par rapport au dépassement de soi. Tu parlais de la flemme tout à l'heure. C'est que... si je vais là-dedans, du coup, je vais m'autoriser à faire tout et n'importe quoi en me disant, en me donnant des bonnes, mauvaises excuses. Enfin, faut trouver l'équilibre là-dedans. Ouais. Mais je trouve qu'on est très fort pour se culpabiliser. Pour autant, on ne peut qu'admettre qu'on prend du temps pour soi de plein de manières différentes. Et en même temps, la portée de ce temps pour soi, il sera le meilleur si on le fait avec le plus de conscience possible, d'acceptation et sans culpabilité, quoi. Donc voilà. Donc il y a plein de plaisir. Et justement, tu vois, le coupable ou le plus ou moins assumé, je pense que c'est ce qu'il faut challenger pour que ça soit vraiment cultiver, se nourrir, se ressourcer comme on en a besoin. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se reconnaître. Ça fait partie, je pense, des éléments vitaux qui sont nos ressources tout au long du chemin. Et que la culpabilité, je sais pas, c'est comme dormir. On nous dit que dormir, enfin, il y a des conditions pour bien dormir. Il y a des conditions pour que ces plaisirs soient des vrais plaisirs et soient des vraies ressources. Et voilà, il faut manger. Tu vois, il faut prendre un temps pour manger, pour avoir les bénéfices de la nourriture. Là, c'est pareil. Il faut avoir un environnement complet autour du plaisir pour que. Et c'est justement pas la culpabilité et pas le fait de ne pas assumer qui vont. Pour enterrer tous les bénéfices et voilà, il faut dire que ça a de la valeur malgré tout, ces petits moments comme ça qui peuvent paraître anodins où on se dit non, mais en fait on aurait pu faire autre chose, mais non, en fait, si on le fait, c'est que peut-être qu'on en a le besoin et ça a de la valeur. C'est une notion très intéressante. Et dans un des points également abordés par Camille, il y a le fait de se faire accompagner, trouver une forme de soutien aide à progresser. On le sait, comme un sportif, on n'hésite pas à s'entourer de coach auprès de sa famille, par exemple, ou encore de ses amis, d'un groupe d'aide ou même avec un professionnel. Quels sont pour toi tes meilleurs soutiens pour t'aider dans tes réalisations, qu'elles soient pro ou perso? Écoute, les meilleurs, c'est un peu... La garde rapprochée. Ça met un peu la pression, parce qu'il ne faudrait pas que j'en oublie, mais j'ai eu plein de... Enfin, moi, j'ai eu plein d'appuis pour avancer, et j'en ai encore. J'ai eu parce que tous les appuis que j'ai rencontrés, ils m'ont d'une manière ou d'une autre nourri et ils sont encore là. Donc, j'ai eu des coachs, des vrais coachs dont c'est le métier, qui sont consacrés à t'aider et à cette mission-là que d'accompagner. J'ai bien sûr eu mes parents, mes boss, des profs qui sont mes mentors, chacun à leur manière. J'ai plusieurs amis, je pense, et personnes de confiance à qui je peux parler sans filtre. Tu sais combien j'ai besoin de parler sincèrement, en toute transparence, et de faire rentrer ça en résonance pour accompagner mon chemin de pensée jusqu'à l'étape suivante. Donc, et puis voilà, j'ai un espèce de cercle qui déjà m'accueille, tu vois, comme qui me prend comme je suis, comme je parle, comme je dis, enfin, et ça c'est déjà beaucoup dans mon mari, dans mes enfants, dans mes proches, et puis après ça fait une caisse de résonance, un appui pour avancer et pour m'aider dans mes réalisations. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Ce que je te dirais, c'est que le coaching, effectivement, faut trouver la forme de coaching qui te convient. L'avantage du coaching au sens métier du terme, c'est que c'est des gens qui sont on va dire payés à t'accompagner, donc tu assumes pleinement la relation unilatérale et du coup le don, tu vois, le déséquilibre de la générosité. C'est différent, on va dire, dans toutes les autres relations qu'on peut avoir, puisque on peut se mettre une culpabilité autant qu'on prend à l'autre, mais c'est un peu pareil en fait. Les formes de coaching, elles sont diverses, elles sont dans les lectures, elles sont dans les personnes, et après on est soi-même son propre coach dès lors qu'on en fait un exercice et des routines, quoi. Bien sûr, évidemment, on n'hésite pas à se faire accompagner d'un coach, hein, comme tu disais, Anne Fleur, ça peut parfois donner un petit coup de pouce ou ouvrir de nouvelles pistes. C'est des vrais déclics, et puis ils ont des outils. L'avantage des coachs, c'est qu'au-delà de la résonance instinctive que tu peux avoir, les coachs, ils ont des outils, et après, il faut choisir l'outil qui nous convient et qui nous permet d'éclairer des choses, qui nous permet de mieux avancer, qui nous permet de moins souffrir. Enfin, mais le coaching, c'est un vrai... C'est un vrai outil, un très bon outil dans la vie. Alors, si vous ne savez pas par où commencer pour trouver votre coach, n'hésitez pas à aller sur le site wingood.com. J'en profite pour le rappeler. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Nous sommes toutes différentes, donc ce qui marche pour les unes peut ne pas fonctionner pour les autres. Parfois, il suffit d'un déclic, on en parlait, d'un mot qui va résonner en nous. Est-ce que toi, tu peux nous partager un mot d'encouragement, peut-être qui a fait tilt, ou un témoignage ou un parcours qui t'ont toi-même inspiré pour te découvrir des ressources nouvelles? Écoute, tu me dis un mot, tu viens de dire ressources. Je pense que ressources, c'est bien le terme. On en parle beaucoup. On parle beaucoup des ressources de la planète. Eh ben, faisons quelques secondes l'analogie avec nos propres ressources. Je pense que ressources, c'est le terme. Les ressources, elles sont rares. Les ressources, elles sont pas infinies. Donc, on les gaspille pas, on les régénère. Mais ça, c'est important aussi de le dire. Ouais. On a dit déjà, mais on ne vit pas les problèmes plusieurs fois. Ça gaspille de l'énergie. C'est rarement utile. On essaye de pas se stresser ou de se culpabiliser pour quelque chose qu'on ne fait pas en sorte de résoudre. Donc, soit c'est effectivement un problème, on le résout, soit c'en est pas un et on arrête d'y penser en mal, enfin, on l'accepte. Et puis après, on trouve ces éléments pour régénérer ses ressources. Donc, je vais te donner des bases, mais le rire, le sommeil, l'évasion, le sens, enfin, qu'est-ce qui fait que je suis pas, je deviens pas au fur et à mesure de la journée Voldemort, quoi, que je me décharge progressivement. Non, mais parfois il faut se le rappeler, hein. C'est vrai, c'est important. On est tellement. Donc voilà, on est un ensemble, enfin nous-mêmes, comme la planète, on est un ensemble limité de ressources, et si on n'interagit pas comme il faut avec cet ensemble de ressources, eh ben ça bug à un moment donné, tout simplement. Donc simplement. Le chemin est long, le chemin est dur, il faut se nourrir dans tous les sens du terme, et il faut vraiment, tu vois, il n'y a pas une résolution de l'équation une fois et pour toutes, parce que c'est un ensemble qui évolue, mais vu tout ce qu'on doit donner dans son quotidien, parce qu'il y a effort dans la vie, il faut challenger à ressourcer. C'est une évidence absolue quand on fait un effort physique, Mais en fait, dans tous les éléments de la vie, il y a effort, il y a utilisation, mobilisation de l'énergie au sens biologique, et il faut régénérer cette énergie, régénérer cette ressource dans ces différentes dimensions. Donc voilà, chérissez vos ressources que vous êtes. Merci beaucoup. Et puis, effectivement, donc ça, une fois qu'on sent plein d'énergie, pareil, on a l'impression qu'on est connecté finalement à toute l'énergie environnante. Et je pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à trouver notre petite place dans l'univers et à interagir. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous partager vos problématiques, vos expériences et conseils en commentaire de ce podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à votre épanouissement personnel et ou professionnel, rendez-vous sur le site wengood.com. Je te propose de refermer ce podcast par notre séquence portrait, Fleur dans l'air du temps, et notre quiz intitulé pour l'occasion Anne Fleur en patchwork, parce qu'il te compose très certainement peut-être une part de ta sensibilité, de ta personnalité. Quelles sont les personnalités qui t'inspirent le plus et pourquoi, en un ou deux mots? Un acteur ou une actrice, bien évidemment. Peut-être surtout une actrice. Alors, dans les personnalités, il faut effectivement, enfin, comme tu dis, ça dira forcément quelque chose de moi. Après, je tiens à préciser que les personnes que je les citerai dans leur art et pas forcément dans leur humanité globale. Moi, j'aime bien les gens qui se transcendent dans leur discipline. Donc, les acteurs, comment citer je vais te dire les premiers qui me viennent, c'est des gens comme Brad Pitt, comme Gilles Lelouch, comme Jean Dujardin ou comme Virginie Efira ou Anne Hathaway. Ce qui m'épate chez ces gens-là, c'est la longévité de leur parcours d'une part, et puis le fait d'avoir démarré à un endroit où on n'aurait pas pu imaginer la suite de leur carrière. Donc, Anne Hathaway, je l'ai découverte dans des Disney, je pense. Quand tu la vois dans la série sur WeWork, elle est épatante dans son caractère. Et puis, tu prends Jean Dujardin, un gars, une fille, versus tous les films qu'il a fait derrière. Donc, voilà. Comment ? Et les nous, c'est nous ? Oui, tout à fait. Donc voilà, dans leur discipline, du travail, du respect, ouais, de la réinvention, de l'avancement. Enfin, c'est voilà, des gens, et il y en a plein. Il n'y a que ceux-là que je te cite, mais il y en a plein. Autrice, écrivain, parce que pareil, il y a quelqu'un qui te touche plus que deux. Il y en a. Pareil, il y en a beaucoup. Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de. Moi, les noms qui me viennent, c'est ceux qui, pareil, qui sont bons pour ce que je cherche à ce moment-là. Je compare pas les écrivains les uns aux autres. S'il y a des prix qui sont là pour ça, c'est pas mon métier, mais. Moi, j'ai besoin, quand je lis, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, donc j'ai besoin que ça soit efficace. J'ai besoin que la plume me plaise et m'embarque, et puis que les histoires me divertissent. Donc, j'ai des divertissements feel good, type, je sais pas, Valérie Perrin, Virginie Grimaldi ou Agnès. Ah oui. Tu vois. Et puis après, j'ai des écrivains qui m'embarquent plus dans des trucs un peu thriller, un peu intrigue. Bon, les plus, enfin, t'as les connus, quoi, comme, Joël Dicker ou Valentin Musso ou Pierre Lemaître, quoi. Donc après, moi j'aime bien quand il y a un bout, enfin quand c'est ancré dans l'histoire, quand ça nous fait voyager dans l'histoire. Et puis j'adore les mots, j'adore l'art des mots. Donc voilà, c'est les deux ingrédients pour moi si j'arrive à m'évader, si après une journée de boulot ça arrive à me déconnecter, c'est bon, ça le fait et c'est le job. Meilleurs écrivains, voilà. Ok, une collaboratrice ou un collaborateur qui t'inspire? Écoute, j'ai plusieurs exemples, ils se reconnaîtront peut-être dans mes mots. J'ai ceux qui osent le redépart et ceux qui osent renouveler leurs vœux. On est plusieurs dans une histoire, par moment chacun évolue, l'histoire elle-même évolue, l'environnement évolue et on pourrait avoir tendance à se laisser un peu porter, à plus trop savoir pourquoi on est ensemble ou pourquoi on reste. J'ai plusieurs collaborateurs ces derniers mois et moi-même j'ai fait l'effort, mais de regarder cette question, pourquoi je suis là, pourquoi je reste, et de l'adresser pour décider de rester ou décider de partir, d'oser lever la main, ouais, et dire attention, j'ai plus le sens de mon de mon être ici. Est-ce qu'on peut redéfinir ce sens ou alors se quitter? Et ben j'admire, ça m'inspire, j'essaye pour moi aussi le faire, même si moi pour l'instant à chaque fois je décide de rester, donc on pourrait se poser la question de est-ce que je reste par habitude, mais voilà, je pour moi tout mieux que de rester par habitude, par devoir. C'est important l'habitude, c'est important le devoir, ça nourrit, mais ça ne suffira pas. Dans le temps, ça ne suffira pas à faire les bons pas, les bons gestes pour construire la vie, quoi. Et donc voilà, se poser la question du pourquoi je reste et pourquoi je reste, pourquoi je resterai pas, et d'oser affronter cette question plutôt que de juste se laisser porter. Ce sont les collaborateurs qui auront ma pensée par rapport à ta question. Et peut-être quelqu'un de ta famille ou en tout cas un proche qui t'inspire. Pareil, y en a, tout le monde m'inspire. Hein. Moi, je me nourris d'inspiration de mon entourage, mais là, je te citerai bien ma sœur, parce que ma sœur, elle a eu des jumeaux il y a 3 ans. Elle gère une carrière assez complexe et brillante, et j'ai l'impression qu'elle fait aucune concession, ni par rapport à sa vie sociale, ni par rapport à sa vie amoureuse, ni par rapport à sa vie de mère ou sa vie. Je lui dis bravo. Et elle est debout, donc elle te dira que tout n'est pas parfait, et j'en doute pas, mais franchement, continuer à tout tenter, et elle est debout vraiment, et j'hallucine. C'est beau d'avoir comme ça une sœur comme modèle, c'est très beau. Et un artiste ou en tous les cas un personnage public, pareil, qui t'inspire? Alors, un artiste, je te dirais Michalik, Alexis Michalik, et puis un personnage public, je te dirais Nadal. Michalik, parce que je vais pas beaucoup au théâtre, mais j'ai été voir, je crois, quasiment toutes ses pièces, elles sont incroyables, il réinvente le théâtre, il crée des émotions pures et un voyage de ouf, et je kiffe. Et puis public, je te dis, c'est Nadal, pareil, je pourrais t'en citer beaucoup, les sportifs m'épatent dans le travail, l'abnégation, parce que voilà, il faut, c'est une discipline du corps et de l'esprit, le sport, comme toutes les disciplines, mais particulièrement le sport. Le rêve qu'il génère pour des générations entières, la bataille pour chaque point, comme si le match en dépendait, et comme je te disais tout à l'heure, une année, ça s'écrit dès le premier jour, dès la première heure, dès le premier pas. C'est battre sur chaque balle. Voilà, ça, c'est deux noms que je peux te citer qui me nourrissent et qui m'inspirent. Très bien, poursuivant le patchwork avec une œuvre d'art qui suscite chez toi quelque chose, une vibration, une émotion. Écoute, je ne l'ai pas à portée de main, mais j'ai un ours en… J'ai pas beaucoup d'œuvres. J'ai qu'une seule œuvre d'art à la maison. C'est un ours en serpentine, donc une pierre qui ressemble au marbre. Un ours dit dansant, qui est très lourd, qui tient sur une jambe. Et c'est impressionnant. Enfin, c'est une œuvre d'art, mais qui défie aussi les lois de la physique. Il faut quand même que l'artiste arrive à trouver un moyen qu'il tienne debout sur une seule patte, cette grosse pierre. Et donc voilà, c'est l'art, mais tu vois, un peu façon Léonard de Vinci à l'époque où toutes les disciplines de recherche, que ce soit philosophe, scientifique, artiste, poète, tout se faisait en un seul lieu pour créer, pour faire de la recherche et puis pour créer. Donc voilà, l'œuvre d'art, c'est mon ours d'art inuit en serpentine. Très bien, un podcast qui t'inspire? Alors, il m'inspire pas encore, mais ma sœur va sortir un podcast donc dans la série de ce qui me fait halluciner, qui me fait c'est qu'elle trouve en plus le temps de faire plus. Voilà, elle trouve le temps. Elle prend son camembert et elle c'est ce que je vais dire, elle aura un grand camembert. Sinon, dans les podcasts, moi, c'est tous ceux qui j'en ai écouté plusieurs qui racontent la réussite sans oublier les échecs. Ça paraît important de pas voilà, dans la presse ou dans les médias de manière générale, on raconte la réussite comme si elle débarquait du jour au lendemain, soit par chance, soit par talent. Et la réussite, c'est aussi de l'effort, c'est aussi des échecs, c'est de l'apprentissage. Et c'est, je crois, surtout ça. Et qu'il y a beaucoup bien de le rappeler, oui. Dont on ne parle pas et qui n'en sont pas moins des réussites. Et donc voilà, il y a beaucoup de podcasts et je trouve que l'avantage des podcasts, c'est la la diversification des médias et l'accès à l'information. Et donc, ceux qui m'inspirent sont ceux qui, justement, racontent toute forme de réussite avec la partie de l'effort et du travail que ça implique. Ouais. Voilà, c'est ça les podcasts qui m'inspirent. Très bien. Ta sœur a lancé le podcast, elle va le lancer, encore. C'est ça ? On n'a pas encore le nom, on le partagera si jamais. D'accord. On a parlé tout à l'heure des auteurs. Un livre qui t'a inspiré, qui t'inspire, que tu pourrais relire peut-être 2, 3, 4 fois, 5. Alors, le premier qui me vient, je ne le relirai certainement pas, mais ça m'inspire, c'est le... C'est le livre 13 à table qui est une édition qui a lieu chaque année pour les Restos du Cœur. Donc, c'est 13 auteurs qui se mobilisent pour écrire une petite nouvelle autour d'un thème et c'est vendu au profit des Restos du Cœur. Donc, moi, j'aime bien les histoires comme ça. Ça ouais. Cette année, la préface est de Thomas Pesquet. Il me fait rêver, cet homme-là. Donc voilà. Je ne dis pas que je relirai le livre, mais j'offrirai ce livre à foison et j'achèterai chaque édition de ce livre. Voilà. Après, j'ai reçu Le Monde de Sophie en BD. Je l'avais lu en roman et je l'ai. Il a été édité en BD. Ça m'inspire la fille. Je ne savais pas. C'est bien, ouais. Donc voilà. J'ai hâte de le lire. Et puis sinon, je lis la BD Le Monde sans fin là de Jean Covici. D'accord. Qui est très inspirant aussi. Très bien. Une citation qui résonne en toi. J'espère que j'ai pas. Enfin, je pense que j'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que vraiment c'est pour moi le cœur, mais c'est une citation de Jean d'Ormesson qui dit merci pour les roses, merci pour les épines. Ouais. La vie n'est pas une fête perpétuelle, c'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée des roses. Si vous parlez des larmes, il faut pas oublier les roses. Si vous parlez des roses, il faut pas oublier les larmes. Je pense que une partie du poids de notre vie. Ça, c'est plus la citation, c'est ton interprétation. Quoi de la vie, c'est de pas accepter les fleurs et les épines, les deux. Ouais. C'est-à-dire que on nous cultive dans la société moderne dans une aspiration de légèreté, de monde parfait qui n'existe absolument pas. Même les influenceuses qui publient des posts à la vie parfaite n'ont pas une vie parfaite. N'existe pas. Et qui te partagent avec grande sérénité tous les défis à relever un par un. Je pleure tous les jours. Et voilà, ça, la vie, ça pique. La vie, ça pique. À l'époque je te l'ai déjà dit, je pense, mais à l'époque de nos grands-parents, il fallait cultiver la terre pour manger le soir. Et ben, c'est ça la vie. Et ça n'empêche pas plein de roses merveilleuses et belles, plein de plaisirs incroyables dont il faut profiter. Mais je pense qu'une partie de notre difficulté, c'est de croire ou de se faire croire ou d'avoir cru que l'enjeu de la vie, c'était une vie légère, pleine d'argent, parce que l'argent pourrait tout acheter et qu'à partir de là, ce serait le bonheur. Et quand on voit les gens les plus riches, ils n'ont pas l'air beaucoup plus heureux. Non. Donc voilà, on accepte les roses, on accepte les épines et ça ira mieux. Exactement, oui, parce que l'injonction au bonheur, finalement, elle est contre-productive, hein, on se permet de le rappeler. Très bien. Un plat, un dessert, Madeleine de Proust. Je te dirais un œuf à la coque avec des mouillettes dans l'inspiration du moment. Donc, ça peut être des bâtonnets de carottes tout simplement qui est au bouillon. Ça peut être une petite pointe d'asperge pour faire encore un peu plus classe ou alors vraiment pêcher mignon, pas bon pour le cholestérol, mais une mouillette avec des œufs de saumon, c'est pas mal aussi. Oh, c'est tellement bon. Merci. Merci pour cette inspiration. Next, curiosité, aller plus loin pour sortir des sentiers battus, sortir de cette fameuse zone de confort et trouver là une autre liberté. Qu'est-ce qui t'attire actuellement? As-tu une nouvelle curiosité, peut-être sur un sujet ou une personne? Alors, bon, c'est nouveau et pas nouveau, c'est... Je sais pas si je vais l'adresser ou comment je vais l'adresser, mais moi, ce qui me passionne, tu sais, c'est c'est les jeux d'intelligence émotionnelle, intelligence logico-mathématique, business intelligence et intelligence collective. Donc, de faire un peu fonctionner tout ça pour faire avancer le projet. J'utilise beaucoup de comparaisons avec l'équipe de foot pour illustrer ce que c'est que faire travailler nos intelligences ensemble pour gagner le match. Ça aide la métaphore est utile. Et en même temps, je me suis rendu compte tout au long de l'année que j'atteignais mes limites avec cette métaphore parce que pour un match de foot, il n'y a qu'un seul ballon. Dans une entreprise, il y a plein de projets. Donc, c'est comme s'il y avait plein de ballons. Et en fait, j'en suis arrivée à plutôt me rendre compte que l'image qui me parlerait le plus, il y a d'où je viens, le bâtiment. Construire un immeuble. Mais sinon, ce qui me parle le plus, c'est dans la cuisine et le fonctionnement d'une brigade pour sortir à l'heure, avec le bon niveau de qualité, l'ensemble des plats. Et c'est hyper impressionnant de voir comment tournent les grands restos. Et donc, je kifferais, je ne sais pas du tout, dans mon camembert du temps, comment je vais adresser cette question-là. Mais je trouve que les cuisiniers, enfin les chefs sont des artistes et en même temps, ils ont des entreprises pour exprimer leur art qui sont absolument passionnants à observer. C'est des hommes qui travaillent ensemble dans le rush avec des enjeux de qualité de dingue, des enjeux de plein de dimensions. Voilà, ça c'est ma curiosité. J'adore. Du moment. ça serait vraiment de pouvoir en savoir plus et me nourrir du fonctionnement d'une brigade d'un grand restaurant. Voilà. Génial, j'adore. Justement, j'allais te poser la question sur de nouveaux challenges potentiels. Est-ce que on peut inclure celui-ci ou est-ce que tu en as d'autres peut-être? Je vais être pas très originale, mais le challenge, c'est de, on est 75 dans l'entreprise, il faut que à 75 ensemble, on franchisse la marche suivante. Ça doit se faire ensemble, en un gros mouvement, en plein de petits pas, en une mêlée, malgré tout ce qui se passe et qu'on n'a pas prévu, être agile par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est le défi, c'est pas très original, ça reste toujours le même pour moi, mais c'est mon principal challenge du quotidien. Le mojo, parlons-en. Quand as-tu perçu un signe pour la dernière fois, une vibration, une synchronicité qui a entraîné chez toi une certitude que tu étais en phase avec ton chemin de vie? C'était pourquoi? Raconte-nous. Je suis très très attentive aux signes. J'en vois donc plein. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Tu sais, c'est comme tout, hein, c'est comme le palais s'éduque, le regard s'éduque. Voir les signes, c'est un effort au départ, et puis progressivement, ça vient tout seul. Quel signe je pourrais écoute, je te dirais, il y a eu plusieurs événements en 2022. On a eu l'occasion de. On a le produit que vend notre entreprise, c'est un produit qui se vend à distance, qui s'exerce à distance. On a eu plusieurs fois l'opportunité de le faire vivre dans le monde physique l'année dernière. Et je dirais que la tête des clients en arrivant et la tête des clients en sortant, comme des fleurs qui avaient... Je sais jamais comment ça se conjugue, mais avait été clos, qui était éclose, je sais pas, mais enfin qui s'était ouverte. C'était le signe qu'on était exactement là où on devait et qu'on contribue au monde en donnant. On parlait de ressources tout à l'heure, on donne un bout de ressources aux gens. Et dans le monde actuel, ça compte et c'est important. Et donc de voir ça dans la vraie vie, c'était la preuve qu'on était en phase avec notre chemin. Bravo. Et parce que pour écrire une belle histoire, il faut commencer par en connaître la fin. Fin 2023, qu'aimerais-tu avoir accompli? Que cette phrase et que cette fierté que je viens de partager sur on est exactement là où on doit, ça prenne encore plus d'ancrage, encore plus de signification. Je pense que Aujourd'hui, il n'y a pas de doute au niveau du collectif de l'importance de ce qu'on fait. Je pense que dans l'équipe qu'on est, étant donné tout le chahut des dernières années, il y a quelques personnes, il y a plusieurs personnes encore pour qui ça fait pas encore pleinement sens pour différentes raisons. Et donc, j'espère que en 2023, on aura réussi à rendre ça concret et réel pour le plus grand nombre de personnes qui œuvrent sur l'édifice qu'est notre entreprise. Très bien, merci beaucoup Anne-Fleur. Le podcast touche à sa fin, donc n'oubliez pas d'aller chercher votre mojo, de le réveiller un petit peu. On le disait, sortir de sa zone de confort, c'est le début d'une liberté. Alors parfois on est très bien là où on est aujourd'hui à l'instant T, mais voilà, ça évolue, donc faut pas hésiter un petit peu à se challenger, à aller trouver des petites inspirations à droite à gauche pour peut-être vibrer autrement, vibrer différemment. Et effectivement, tu le disais Anne-Fleur, faut pas oublier aussi que la vie, c'est pas juste des roses ou des épines, c'est un petit peu des deux. Et on rappellera aussi la notion, je pense, primordiale de ce camembert dont tu parlais, Anne-Fleur, ou même les petits moments. On le disait, on a l'impression que de procrastiner peut-être, mais voilà, il faut arrêter de culpabiliser et donner de la valeur, la juste valeur, à ces moments-là, pour pouvoir tout simplement après se dépasser dans d'autres domaines. On rappelle aussi que quand on ne parvient plus à avancer, que l'on se sent englué dans un quotidien qui ne nous va plus si bien, le véritable danger est de ne pas prendre de risques. Facile à dire, moins à faire, mais se poser la question, c'est déjà un bon début. Et vous, avez-vous déjà pris ce genre de risque ou projetez-vous d'en prendre? N'hésitez pas à nous raconter cela en commentaire. Et on le disait, si parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, ne pas hésiter à consulter un coach. Et pour cela, je vous renvoie sur le site wengood.com pour apprendre, peut-être, pour voir différents profils de coach, voir les différentes thérapies. Alors, on dit thérapie, ça, c'est pas un gros mot, mais parfois, on peut explorer des petites pistes à droite, à gauche, que ce soit par l'art ou encore même par les chevaux. Rendez-vous également sur notre chaîne YouTube pour découvrir tout plein de sujets sur ces thérapies, sur ces méthodes, en tous les cas, de développement personnel. Merci beaucoup Anne-Fleur. As-tu un dernier message avant de nous quitter ? Non, tu as bien résumé. Il y a eu beaucoup de choses. Effectivement, merci. Merci à toi pour ce moment. Merci à toi de me faire prendre le temps de ce moment. Et puis, je dirais surtout une très belle année à ceux qui nous écoutent et j'insiste, une belle année, c'est pas une année sans larmes, c'est pas une année sans heurts, c'est une année dans laquelle on avance, dans laquelle on grandit, dans laquelle on se nourrit, dans laquelle on passe du temps avec nos proches et on relève les challenges qu'on a envie de relever, on avance comme on a envie de le faire et on se donne les moyens de nos envies, surtout à tout moment. Merci infiniment Anne-Fleur et puis te dire aussi que je suis ravie d'avoir ce petit espace dans ton camembert. Merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous le mois prochain pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions à Anne-Fleur en commentaire. Nous y répondrons dans un prochain podcast. D'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration et les réponses à vos questions dans tous nos articles, podcasts et vidéo. À très bientôt.